brain, and you kill the ghoul. Réanimation, vétéran du métal à Sifu, Marty Vader, cause fear is our business. Lundi 21 mars 2011, la Maison Carignan, centre de thérapie, présente sa soirée réussite à la salle J. Antonio Thompson. Soirée émotive et haute en couleurs avec un spectacle d'April Wine. Vous pouvez vous procurer les billets à la Maison Carignan en contactant Michel Vachon au 819-373-9435, poste 239, ou bien à la billetterie de la salle J. Antonio Thompson. April Wine à Trois-Rivières, le lundi 21 mars, un show à ne pas manquer. Mamma mia, de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours 2 pour 1, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89-1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Annie Brousseau-Arcan, votre co-animatrice avec Jessica Boulanger et Véronique Bazinet pour la saison hivernale 2011. Ce matin, notre émission portera sur les femmes immigrantes et la périnatalité. Nous recevrons deux invités. En première partie, nous aurons la chance d'entendre une entrevue avec Nawal Alazouer, une nouvelle maman qui vient du Maroc et qui nous racontera son expérience de la périnatalité au Québec. En deuxième partie, nous nous entretiendrons avec Rocio Vargas, étudiante en pratique sage-femme de première année, qui a fait une recherche sur le vécu des femmes immigrantes dans un contexte de périnatalité. Rocio, qui est devenue une fidèle collaboratrice à l'émission que vous avez déjà pu entendre dans les émissions antérieures. Vous êtes à C'est fou, 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, bon matin à tous. Ce matin un petit peu pluvieux, on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Je tiens tout de suite à vous rappeler le courriel de l'émission Connaître qui est co-naître.ensemble@commercialuqtr.ca. Si vous voulez réagir à nos émissions, nous dire vos commentaires, nous apporter des suggestions, il nous fera plaisir de vous lire, ne vous gênez pas. Alors, revenons au sujet de l'émission d'aujourd'hui, les femmes immigrantes et la périnatalité. Alors, mes collaboratrices de l'émission ont fait une super recherche et j'ai vraiment été impressionnée des statistiques qui ont sorti. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'immigrants, en fait, au Québec. Selon un recensement qui a été fait en 2006, selon le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, on comptait 851 560 personnes immigrées au Québec, soit 11,5% de la population totale du Québec. Et ça, c'était la plus forte proportion jamais constatée dans l'histoire de la province. Et en 2010 seulement, c'est plus de 50 000 personnes immigrantes qui sont arrivées au Québec. C'est quand même vraiment énorme. Parmi ces immigrants, presque 70 % sont âgés de moins de 35 ans, ce qui fait que beaucoup d'entre eux ont des enfants ici. Et la réalité de ces personnes immigrantes n'est pas toujours facile, comme on peut peut-être essayer de se l'imaginer. Ça demande une énorme capacité d'adaptation, de quitter son pays d'origine pour en habiter un autre. En fait, il faut vraiment s'adapter à des nouvelles habitudes de vie, parfois carrément différentes du pays duquel on vient. Souvent une nouvelle langue. Il faut malheureusement quitter les siens, se recréer un réseau social. Ça peut être parfois très difficile, surtout quand il y a une barrière de langue. Et il faut se débrouiller avec souvent beaucoup de paperasse. Et comme je crois qu'on peut essayer de l'imaginer, le processus doit être assez long et très demandant. Il faut aussi trouver un logement qui est convenable selon les moyens qu'on a quand on arrive dans le pays. Il faut aussi s'adapter à un nouveau climat. Ça peut paraître stupide, mais pour beaucoup d'immigrants, la neige ou le froid, les températures en bas de 15 degrés, parfois, c'est quelque chose de carrément nouveau. Donc, il faut s'adapter à ça aussi, mais en conséquence, c'est les vêtements qui vont avec. Il faut apprivoiser un fonctionnement différent pour plein de choses, comme les systèmes de santé, le système politique. Il faut s'adapter à de nouvelles coutumes, tout en gardant ses propres coutumes un peu le mieux qu'on peut, à des mentalités carrément différentes, puis encore plus. Bref, il faut beaucoup de courage pour immigrer dans un nouveau pays qui, à mesure que le temps passe, deviendra de plus en plus le sien, tranquillement, pas vite. Et de notre côté, une autre chose qui demande de grandes capacités d'adaptation dans une vie est bien sûr l'arrivée d'un enfant. Bon, comme on le sait dans les émissions antérieures, parfois on parle d'arrivée des enfants ou de préparation à la naissance. Ça bouleverse une vie et les moments autour de la naissance sont une période très intense dans la vie d'un couple, comme on sait, dans la vie d'une famille. Mais imaginez pour des personnes immigrantes, attendre la venue d'un enfant, c'est deux grandes adaptations en même temps, là. À Montréal seulement, notamment, on constatait en 2001 que les mères immigrantes contribuaient au renouvellement de la population montréalaise avec 36 % des naissances à Montréal. C'est quand même énorme. Et sensible à cette réalité, nous avons donc décidé de nous passer un peu plus sur le sujet en s'interrogeant sur l'expérience de la périnatalité ou de la maternité au Québec pour les femmes immigrantes. Pour mieux comprendre cette réalité, nous allons donc tout de suite entendre une entrevue qui a été réalisé par Karine Bertrand, qui est une des réalisatrices de l'émission d'aujourd'hui. Donc, Karine a rencontré Nawal à la Zouar, qui a généreusement accepté de nous parler de son expérience à elle, de la maternité au Québec. Donc, partie du Maroc depuis 1 an et 7 mois, c'est en décembre dernier qu'elle a donné naissance à son petit Youssef à Québec. Alors, écoutons le généreux témoignage de Nawal à la Zouar. Alors, bonjour Nawal. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui, ton congé de maternité se passe bien? Ben oui, avec Youssef, ça se passe très bien. Donc, tu es une femme marocaine qui a immigré au Québec. Mm-hmm. Oui. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis au Québec, ça fait à peu près 1 an et 7 mois. OK. Mm-hmm. Puis, comment tu trouves ton adaptation depuis 7 mois ici? Comment tu trouves ça? Il y a des moments où c'est vraiment... c'est comme la vie, là. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où ça se passe très bien. Donc, c'est comme ça. Bah, il y a du haut et des bas. Mm. C'est déjà une période d'adaptation. Oui. C'est ce qu'on dit, l'immigration. Alors... est-ce que toi, tu trouves que tu es en adaptation? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, je suis toujours en adaptation, mais depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de s'adapter avec la vie ici, puis avec le changement culturel, le changement climatique. Oui, c'est une période d'adaptation, parfois qui n'était pas facile, mais qui se passe malgré tout très bien. Dans ce contexte-là d'adaptation, toi, l'année dernière, t'es tombée enceinte. Oui. Et tu as eu un beau petit garçon en décembre dernier qui s'appelle Youssef. Ça fait une double adaptation dans la vie, ça? Est-ce que ça se passe bien? Comment tout ça se déroule? C'est quoi? C'est l'adaptation avec un bébé ou bien l'adaptation avec la grossesse et tout? Ben, les deux, en fait. L'adaptation avec la grossesse dans un contexte étranger ou l'accouchement aussi. Tout ça, là, toute cette période-là. Ben, si je veux parler de toute la période... c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire parce que la grossesse, l'accouchement, puis l'adaptation après l'arrivée de mon garçon, ça c'est des périodes qui étaient vraiment pour moi très différentes parce que chez nous c'est pas la même chose. Donc vivre la grossesse loin de la famille, puis chez nous au Maroc, je veux dire, je ne sais pas, c'est une particularité au Maroc, mais peut-être... dans d'autres pays, mais pour nous, c'est la présence de la mère, c'est vraiment essentiel. C'est comme si cette grossesse, c'est l'accouchement, ça nous rappelle de nos mères encore. Et puis, me trouver seule, loin de ma famille, loin de nos habitudes, nos traditions, ça, c'est pour moi, c'était pas vraiment facile à vivre. Mais en même temps, j'ai eu le suivi de la sage-femme. Donc, ça a consolé un petit peu ce vide que j'ai vécu. Donc, il n'y avait pas de jugement. Je parlais, je la trouvais toujours à côté quand j'en ai besoin. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Mm-hmm. Ben, y a aussi d'autres périodes où ça a été vraiment très difficile, où j'étais confrontée à un système médicalisé au Québec. Qui parfois ne comprenaient pas mes origines, ne comprenaient pas mes références. Par exemple, quand j'ai eu un petit problème, j'ai refusé l'amniocentèse, chose qui était presque inacceptée par le corps médical, mais qui n'arrivait pas à comprendre ce choix. Mais comme j'ai dit, la présence de la sage-femme, ça a facilité vraiment les choses pour moi. Ça d'un côté, d'autre côté, vivre l'accouchement sans ma mère, ça c'est pour moi, c'était vraiment très très difficile. C'est presque chez nous au Maroc, il n'y a pas d'accouchement sans la présence de la mère. Là. Puis oui, c'est à peu près les choses que j'ai vécues en général. Qu'est-ce qu'elle représente, la mère, dans l'accouchement? Ça représente l'accouchement parce que elle aussi, elle a accouché, donc elle a de l'expérience. C'est toute cette expérience-là, c'est pour nous, c'est la mère, elle aide beaucoup, elle a de l'expérience, elle sait quoi faire. Et le soutien de la mère et sa présence, c'est très important pour nous. C'est sa chaleur. C'est difficile à expliquer parce que c'est presque spirituel, la présence de la mère chez nous, l'accouchement. Ouais. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu me dis, toi, dans l'expérience que tu as vécue, tu as l'impression que, d'après ton origine, tu n'as pas nécessairement eu le même traitement qu'une femme québécoise aurait eu. Tu as l'impression que tu as eu un suivi particulier ou que ton origine a changé quelque chose dans le suivi, dans les deux suivis que tu as eus, dans le fond? Dans les deux suivis, non, parce que quand j'étais avec la sage-femme, il y avait vraiment pas de jugement. Je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais avec quelqu'un qui me comprend. J'étais pas jugée selon mes origines, non. Mais elle a compris mes choix, puis elle a respecté mes choix, puis elle était toujours présente. Mais quand j'étais confrontée au système médical, quand je dis médical, ça veut dire au médecin, entre parenthèses, au gynécologue, ça vraiment, j'ai ressenti que je suis différente, parce qu'elle m'a fait sentir que je suis différente, que ce que je fais, ça se fait pas. Quand j'ai refusé des analyses, c'était... Alors, malheureusement, on a eu un petit problème technique avec l'entrevue de Nawal. La fin de l'entrevue, en fait, c'était vraiment Nawal qui finissait de nous conter son expérience de la maternité. Donc, comme vous avez pu l'entendre en première partie, il y avait toute une adaptation au niveau culturel, mais aussi au niveau de la façon dont elle pouvait être perçue ou traitée face aux professionnels de la santé. Donc, Nawal a fini son suivi sage-femme et a eu son beau petit Youssef au mois de décembre dernier. Et elle a pu être suivie par la sage-femme jusqu'à la fin. Mais ce qui était très intéressant de la fin de l'entrevue, que malheureusement, on ne pourra pas entendre, il y avait quand même un beau témoignage très émotif de Nawal aussi qui nous témoignait l'importance de la famille, surtout... face à son statut de Marocaine, l'importance de la famille, de la mère qui est très important et de certains rituels, de certaines coutumes que malheureusement elle n'a pas pu faire ici parce qu'elle n'avait pas sa famille avec elle. Donc quand elle est repartie de l'hôpital avec son bébé et qu'elle est rentrée chez elle, ça a été tout un choc, disons, de ne pas être entourée de sa famille. Comme elle disait, au Maroc c'est la fête, on retourne, il y a un grand repas pour la mère, pour le bébé, pour la famille. Malheureusement, elle est retournée chez elle et il n'y avait rien de tout ça. Elle était seule avec son bébé dans sa maison. Et c'est elle-même seule qui a fait les petits rituels, les coutumes que normalement il aurait été fait au Maroc. Donc, c'est elle-même qui les a fait à son enfant, qui sont des petits rituels de bienvenue qui normalement doivent être faits par trois personnes différentes, je crois. Et donc, la fin de l'entrevue était un peu plus émotive, disons. Donc, c'était un témoignage vraiment très riche, je pense, que Nawal nous a livré. Donc, merci beaucoup, Nawal, d'avoir partagé ton vécu avec nous. On espère aussi que tu passeras du beau temps au Maroc avec ton beau Youssef, parce que dans l'entrevue, Nawal annonçait que prochainement, elle partirait au mois d'avril, je crois, au Maroc. Donc, elle allait présenter son bébé à sa famille et là-bas, elle pourrait refaire les rituels qu'elle a elle-même fait seule ici. Ben, il y a encore possibilité de pouvoir le faire. Donc, elle va retourner dans son pays, le présenter à ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis et eux, là-bas, vont pouvoir faire le rituel traditionnel pour bien accueillir l'enfant, le partir. Elle nous parlait aussi de la circoncision de son enfant qui pour elle était très importante, ce qu'elle n'avait pas fait faire ici, mais qu'elle compte le faire faire

Mettez-vous en plein la vue sur la relève. 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la Relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québécois. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Lundi 21 mars 2011, la Maison Carignan, centre de thérapie, présente sa soirée réussite à la salle Giantonio Thompson. Soirée émotive et haute en couleurs avec un spectacle d'April Wine. Vous pouvez vous procurer les billets à la Maison Carignan en contactant Michel Vachon au 819-373-9435, poste 239, ou bien à la billetterie de la salle Giantonio Thompson. April Wine à Trois-Rivières, le lundi 21 mars, un show à ne pas manquer. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. 89. Ah, c'est fou, là, alors, pendant la pause musicale et publicitaire, on a fait des pieds et des mains pour tenter de retrouver la fin de l'entrevue avec Nawal. Alors, on est présentement en essai technique, alors peut-être qu'on va réussir à vous présenter la fin. Mais donc, le témoignage vous apportait quand même une petite vue là, sommaire de qu'est-ce que pouvait représenter la maternité en contexte d'immigration. Mais il y a plusieurs organismes communautaires qui existent. On peut consulter la liste selon les régions sur le site d'Immigration Québec. Donc, ces organismes-là pourraient aider les femmes, les familles qui viennent d'arriver, qui sont en contexte de maternité ou non, disons. T'sais, peu importe qui est maternité ou pas, je pense que l'idée d'inclusion puis de faciliter l'arrivée dans un pays, c'est vraiment important. Donc, pour n'en nommer que quelques-uns, à Québec, il y a l'organisme SAAI, le Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes. En plus de plusieurs autres services, le SAAI offre des rencontres et des ateliers prénatales et postnatales. Il y a aussi le collectif des accompagnantes qui peuvent apporter un soutien précieux durant la grossesse et l'accouchement. Nous avons peu parlé des pères durant notre émission. On s'est quand même concentré sur le vécu des femmes immigrantes, mais eux aussi ont un énorme besoin de soutien pendant ce processus-là. Notamment, il y a l'organisme montréalais L'Hirondelle. Il a mis sur pied le projet Homme-Père-Immigrant qui permet aux nouveaux pères de mieux vivre leur nouveau rôle. De plus, les organismes en périnatalité et en immigration peuvent soutenir les nouveaux parents. Une autre ressource, comme on les connaît, c'est sûr que les CLSC, donc qui sont là quand même, parfois selon les régions ou selon les régions, il y a différents programmes qui peuvent exister pour aider, que ce soit financièrement, émotivement, pour favoriser un soutien, puis aider à l'insertion. Pour le suivi de grossesse, comme Nawal nous l'a témoigné plus tôt dans l'émission, pour elle, le suivi sage-femme a été un moyen de bien vivre sa grossesse. Donc, comme on sait, les services sage-femme existent un petit peu partout au Québec. Donc, parfois, c'est d'aller voir dans les maisons de naissance, d'aller voir ou de comparer le suivi entre médecin de famille ou une sage-femme. C'est parfois difficile quand on arrive parce qu'on n'a pas nécessairement de médecin de famille. Et malheureusement, dans le contexte où on est, c'est difficile de pouvoir se trouver un médecin de famille. Donc, le service de sage-femme est une bonne option pour ces femmes-là. Alors, en studio, est-ce qu'on me fait signe que ça fonctionne? Je ne pense pas? Donc, on va y aller, on va enchaîner tout de suite avec l'entrevue de Rocio. Puis, on pourra voir, là, entre-temps, si jamais ça fonctionne, ça va nous faire plaisir de vous faire entendre l'émission. Donc, bonjour Rocio, bienvenue à l'émission. Bonjour Annie, ça me fait plaisir. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un travail que tu as fait dans le cours dans le cadre du cours Périnatalité et Société qui a lieu à la dernière session. Oui, exactement. Donc, ça a quoi été les raisons qui t'ont mené peut-être à choisir le thème de l'immigration et de la périnatalité? Donc, c'est sûr que je suis moi-même immigrante. Donc, je suis arrivée au Québec à l'âge de 3 ans. Donc, c'est sûr que dans mon parcours familial, j'ai eu des témoignages venant de mes parents de, bon, tous les défis qu'ils ont eu à faire face pour, dans le fond, s'adapter à une nouvelle culture. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup influencée dans ma vie. Et lorsque j'étais âgée de 11 ans, donc, il y a eu l'arrivée de ma petite sœur qui était un événement très important pour la famille et qui fait... Et peut-être une des raisons pourquoi je suis en pratique sage-femme aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a été pour moi une grande source de réflexion parce que malgré le fait que, bon, vu que je suis arrivée très jeune au Québec, donc je me considère comme québécoise, malgré tout, je me rends compte que en ce qui a trait à la culture périnatale, donc ce que j'entends par là, c'est plus, en fait, les valeurs, les façons de faire qui sont liées à la grossesse, l'accouchement, la parentalité. Je me rends compte que ça vient beaucoup chercher... vraiment des racines profondes. Ça, je sens que ma culture périnatale est plus panaméenne que québécoise. Et ça, je trouve ça très particulier parce que c'est un des seuls volets de ma vie que je ressens ça. Donc, par là, je sens que pour... vu qu'on apprend beaucoup la parentalité à travers nos parents, c'est quelque chose qui est très ancré en nous et qui va beaucoup chercher notre culture d'origine. Donc... Parce que c'est normal en même temps, j'imagine, comme la plupart des immigrants, il y a quand même une bonne partie de votre famille qui reste aussi dans votre pays d'origine. Oui, tout à fait. Et les contacts qu'on a avec, bon, la naissance, les grossesses, c'est souvent les gens qui font partie de notre communauté. Donc, c'est sûr que quand on arrive dans un nouveau pays, donc ça prend beaucoup de temps avant de créer un réseau avec des gens québécois. Donc, le réseau qu'on entretient plus et de quel on apprend beaucoup... particulièrement sur la périnatalité, ça va vraiment être plus la communauté ethnique. Donc, j'ai appris via des Panaméens et tout ça. Et maintenant, en étudiant en pratique sage-femme et en découvrant un peu plus la périnatalité québécoise, je me rends compte qu'il y a beaucoup de différences. Et cette réflexion-là m'amène à penser que, donc, pour les mères immigrantes, c'est un grand défi. Et surtout quand on arrive à 30 ans, 25 ans, dans un nouveau pays, c'est sûr que le bagage culturel est encore plus important et plus ancré, plus important. Donc, voilà. Puis c'est sûr que j'imagine quand on se retrouve dans un nouveau pays, bon, enceinte ou en voie de l'être, disons, c'est sûr qu'évidemment, la première chose, je pense, je ne sais pas si tu pourras confirmer, qu'on cherche à faire, je pense que ce soit femme, enfant, père ou pas, c'est peut-être de retrouver un peu l'essence de notre culture dans le pays dans lequel on se trouve, peut-être essayer de trouver une communauté proche de la nôtre ou se faire des liens dans un réseau aussi de gens qui viennent soit de notre propre pays ou qui parlent la même langue, que ce soit espagnol ou autre. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle le maternage, en fait, ou le portage, qui est traditionnellement, en fait, la grossesse est beaucoup vécue comme un moment initiatique. C'est vraiment... bon, on devient mère et on est porté par les femmes de la communauté, beaucoup, puisque, dans le fond, on reçoit des conseils, on est soutenu. Malheureusement, pour faire une généralité, en Occident, on va de plus en plus vers une culture de l'individualisme. Ça l'exclut, le maternage, dans le fond, le portage. Et ça, c'est très difficile à vivre parce que dans encore plusieurs pays, c'est une pratique qui est maintenue puis qui est essentielle. En fait, pour bien vivre la maternité et ce passage-là. Est-ce que tu considères que, disons, des risques, si je peux appeler ça comme ça, reliés à des grossesses qu'on pourrait dire qui sont dans le contexte de vulnérabilité? Oui, bien en fait, c'est ça. On sait qu'une grossesse normale, bon, c'est plusieurs changements, beaucoup d'adaptations. Donc, ça mobilise des ressources pour la grossesse. Donc, c'est sûr qu'on dit que généralement, les femmes enceintes sont un peu plus vulnérables, dans le sens que ça va être plus difficile à s'adapter à des changements et tout ça. Donc, comme on disait, l'immigration, ça va être comme une double adaptation. Donc, ça va exacerber un peu ce contexte de vulnérabilité-là. Et en fait, c'est ça, il peut avoir des conséquences à ça. C'est en fait, des études ont démontré que, en fait, bon, il y a plusieurs situations qui exacerbent la vulnérabilité, la pauvreté, l'immigration, tout ça. Donc, ça entraînerait des bébés de faible poids, des accouchements prématurés. Ça, et aussi, ça pourrait les femmes pourraient présenter des difficultés d'attachement ou présenter plus de négligence pour l'enfant. Donc, c'est quand même très important, de, surtout en périnatalité, de pouvoir identifier les femmes qui ont plus de besoins de soutien, de ressources et tout ça. Oui, parce qu'on voit, c'est ça, que justement, si les études le prouvent, puis c'est ça, que malheureusement, il y a des conséquences, là, parce que le stress, j'imagine, qui engendre et la maternité et l'immigration, l'adaptation, tout ça, au niveau du métabolisme, au niveau de la, tout à fait, la pression, du stress, c'est ça, ça. Puis toi, pour ton travail en périnatalité, tu avais fait une entrevue, je pense, avec deux femmes. Exactement. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter les témoignages que qui sont ressortis de ça? Oui, en fait, c'était deux témoignages avec deux femmes d'immigration récente, c'est-à-dire qui ont vécu la maternité dans les 5 premières années de leur immigration. Donc, ça a été très intéressant parce que vraiment, par le fruit du hasard, ça a été deux témoignages presque opposés. Donc, d'une part, bon, pour faire un portrait rapide, il y a eu une femme d'origine panaméenne, donc qui fait partie un peu de notre communauté, qui est arrivée ici très jeune, qui est tombée enceinte 2 ans après son immigration et qui a vécu une très belle grossesse. A posteriori, trouve que son expérience de la maternité est très positive. Tandis que la seconde femme, d'origine égyptienne, a eu beaucoup de problèmes au niveau de la grossesse. Et ce qu'elle retient de ces événements-là, c'est beaucoup d'anxiété, de stress. Elle perdait du poids dans les premiers mois de sa grossesse. Ça a été très difficile. Donc, les deux, on voit vraiment que, bon, on sait, chaque expérience de grossesse, de naissance est vraiment unique. Et on voit aussi que le processus d'immigration l'est tout autant. Donc, on ne fait pas ici de généralité, mais juste s'ouvrir à différents... Puis la femme égyptienne, là, ça faisait combien de temps qu'elle est arrivée au Québec? Elle, ça faisait 7 mois okay. qu'elle était arrivée au Québec. C'est ça, ça a été plus court. Donc, c'est ça. Après les témoignages, j'ai divisé un peu leurs témoignages en 3 volets. Donc, ce qui ressortait le plus, ce qui est particulier aux femmes immigrantes, en fait. Donc, ça serait un peu le parcours migratoire, l'isolement et l'adaptation culturelle. Donc, si on commence par le parcours migratoire, en fait, c'est de voir les raisons qui ont motivé le départ du pays d'origine. Mm-hmm. Donc, ça, c'est bien entendu, ça peut être... Il peut y avoir des raisons vraiment très variées, mais c'est très important pour comprendre comment que la femme interprète ce qu'elle vit en tant qu'immigrante et, dans le fond, son attitude face à les adaptations qu'elle doit faire. Comme par exemple, la première jeune femme d'origine panaméenne, elle est arrivée au Québec. C'était un projet pour elle. Elle voulait apprendre le français. Elle maîtrisait l'anglais. Et donc, c'est ça, c'est vraiment un choix qui l'a poussée à venir ici. Tandis que pour la deuxième femme, pour qui la maternité a été plus difficile, pour elle, c'était le choix de son mari, en fait. Elle suivait son mari qui venait pour des raisons économiques ici. Donc, on peut vraiment se demander si elle était d'accord avec ça, si pour elle, il y avait plus de pertes ou de gains. Donc, ça aussi, c'est... En discutant, on peut voir... Comment les femmes se positionnent par rapport à l'immigration? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à venir ici ou dans leur tête, ils perdent plus et l'adaptation dans ce contexte-là est beaucoup plus difficile? Parce qu'il faut vraiment faire attention à savoir qu'est-ce qui les a poussés à venir ici. On nous montre dans les médias l'image des immigrants qui rêvaient de la terre promise puis de meilleures conditions de vie, mais c'est pas nécessairement... ça tout le temps? Non, je pense que justement l'immigration, ça peut être quelque chose de très difficile. Et si on pense, il y a quand même, particulièrement à Montréal, l'immigration de réfugiés ou des gens sans papier. Donc, c'est une source mm-hmm. de stress très, très grande. Bon, pour l'accès aux soins de santé, c'est beaucoup plus difficile. Au niveau économique, c'est très difficile. Et on est attaché à notre culture. Et c'est pas sans nostalgie, je pense, qu'on fait le grand saut et il y a quelque chose qui nous rattache, bon, malgré toute la bonne volonté. Donc, il faut être sensible à ça pour les femmes immigrantes. Ben, tous les immigrants, en fait. Est-ce que c'est sûr que selon les contextes, comme tu nous dis, c'est pas nécessairement le même degré de vulnérabilité? Bon, il y a plusieurs aspects, comme tu nous as dit, mais est-ce qu'il y aurait certains signes auxquels on pourrait s'axer ou être plus attentif, tu sais, pour après offrir du soutien ou de l'aide si on voit que ces signes-là sont présents? Oui, ben c'est ça, en fait. Selon une étude qui a été réalisée par le gouvernement du Québec, ils ont classé la vulnérabilité des femmes immigrantes en trois types. Dans le fond, si la femme présente une vulnérabilité à faible risque, à risque moyen et à risque élevé, dans le fond, que sa grossesse se complique. Et là, on voit que, justement, dans le parcours migratoire, c'est très important. Donc, pour les femmes qui sont à faible risque, on voit que le projet d'immigration est lié à l'enfantement. Donc, elles ont déjà pensé que, bon, elles vont vivre leur maternité dans un autre pays. Et aussi, elles n'ont pas d'enfant. C'est un premier enfant qui va arriver dans un autre pays. Ces femmes-là sont beaucoup plus jeunes, ben, sont jeunes et scolarisées, donc connaissent le français ou l'anglais. Tandis que pour les mères qui sont à risque moyen, dans le fond, c'est un peu la même chose, mais elles sont plus scolarisées que le premier groupe. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, la déqualification que vivent beaucoup de femmes immigrantes en arrivant ici est une grande source de stress. C'est un nivellement économique souvent vers le bas qui est difficile à vivre. On n'a pas la même reconnaissance. Donc, un sentiment d'injustice qui peut mener à un stress et compliquer la grossesse. Et tandis que le groupe à risque élevé, ça va vraiment être plus des femmes qui sont réfugiées sans statut, où le départ du pays d'origine est accompagné de vraiment des troubles émotifs. Il y en a qui vivent des contextes de guerre, de violence, tout ça. Donc, arrive avec une difficulté plus émotive. Ces femmes-là sont souvent plus âgées et parfois moins scolarisées. Et aussi, dans ce groupe-là de femmes à risque plus élevé, c'est aussi des femmes qui ont déjà eu une grossesse avant, donc qui arrivent avec des enfants en plus ou qui laissent des enfants derrière eux. Donc, tout ça, c'est sûr que ça vient rendre la maternité plus difficile. Oui, je vais dans le fond, je vais vous parler, parce qu'on a parlé du parcours migratoire, mais on peut parler de l'isolement. Oui. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus... Le plus important, bien pas le plus important, mais disons mais le plus... c'est ce qui est rapporté le plus par les femmes qui vivent une grossesse en contexte d'immigration. Donc, ce que les femmes, dans les deux témoignages que j'ai eus, et aussi dans le témoignage qu'on n'a pas pu entendre au complet... De Nawal, c'est vraiment un manque de soutien, un soutien émotif, affectif, mais aussi un soutien instrumental. Ça veut dire garder le bébé, avoir des soins, de l'aide pour faire les courses, de l'aide pour le ménage, le lavage. Tout ça, c'est très, très, très important. Et comme j'en parlais tantôt, il n'y a pas juste les femmes immigrantes qui vivent de l'isolement dans nos sociétés. Beaucoup de femmes vivent ce même isolement-là. La différence, peut-être, c'est que, justement, avec une culture différente, on ressent le manque, tandis que, vivre l'isolement au Québec peut sembler naturel et normal parce qu'on a grandi dans une culture différente. Donc, on ressent peut-être moins ce vide-là, mais pour dans les deux témoignages que j'ai reçus, ça a vraiment été quelque chose de très, très important. Par exemple, pour la femme qui a vécu une belle maternité, une belle grossesse, et je la cite, elle dit « Un bon groupe d'amis, tous des Panaméens, pareils comme moi, qui pouvaient me donner des conseils, c'est vraiment précieux. » Donc, on voit clairement qu'il y a eu du soutien autour d'elle. Et les études aussi vont en ce sens-là. Ils disent que la communauté d'une même culture ethnique qui est organisée et aidante, c'est vraiment un facteur déterminant pour le succès de l'immigration. Tandis que pour la femme égyptienne, elle était vraiment seule. Et elle vivait beaucoup d'anxiété. Et c'est sa voisine de palier dans son appartement qui a qui est venue la voir et constatait qu'elle avait besoin d'aide parce qu'elle perdait du poids et elle pleurait souvent. Donc, donc on peut voir qu'on peut faire la différence, justement. Quelqu'un est venu vers elle et l'a dirigée vers des ressources, comme on parlait tantôt, par exemple, la Maison Bleue. Et ça fait vraiment une différence au niveau de la grossesse. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'isolement. Et ensuite, le dernier volet que j'ai traité, c'est l'adaptation culturelle. Qui, bon, là, c'est assez évident. On perd nos repères culturels. Et encore une fois, pour faire écho à l'entrevue de Nawal, dans le fond, on voit qu'il y a des pratiques obstétricales différentes dans les pays. Et comme... elle disait l'amniocentèse qui était ici comme vraiment obligatoire, pratiquement. Pratiquement, oui, c'est ça. Oui. Ou fortement recommandé. C'est ça. Donc, elle sentait qu'on ne respectait pas vraiment ses choix. C'est la même chose pour la femme panaméenne qui, elle, a fait une fausse couche et a senti, s'est sentie totalement délaissée par le système médical parce qu'il ne reconnaissait pas, en fait... l'importance qu'elle accordait à cette grossesse-là, même si elle a perdu son enfant à 12 semaines, pour elle, elle aurait eu besoin d'un plus grand soutien pour vivre ce moment-là. Donc, est-ce que, en terminant, est-ce que tu aurais des lectures peut-être à conseiller à ceux ou celles qui voudraient approfondir le sujet? Oui, donc, « Maternité en exil » est un excellent livre. Donc, c'est « Mettre des bébés au monde et les faire grandir en situation transculturelle » par Marie Rosso-Moreau, qui est une très, très belle lecture. Il y a aussi un guide très intéressant qui a été fait par le gouvernement, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, « Naître ici et venir d'ailleurs », disponible de façon intégrale sur Internet pour ceux qui veulent développer des petits trucs pour mieux venir en aide aux femmes immigrantes. Donc, et voilà, et l'étude que je vous parlais tantôt, « Mère immigrante, pareil, pas pareil », aussi réalisée par le gouvernement. Donc, c'est des lectures très intéressantes. Merci énormément, Rocio, pour ton témoignage. Ça me fait plaisir. Puis, comme tu l'as mentionné, et je ne l'ai pas dit tantôt dans ma liste des organismes, la Maison Bleue à Montréal, qui bientôt, on espère, ouvrira une deuxième Maison Bleue. Oui, effectivement. Donc, service où d'ailleurs tu as déjà travaillé. Oui. Donc, service, ressources super importantes, c'est dans Côte-des-Neiges, un quartier dont on sait qu'il est assez multiethnique. Oui, 80% des naissances dans Côte-des-Neiges sont faites par des familles migrantes, en fait. Donc, ressources extrêmement très importantes. Donc, vous pouvez chercher sur Internet la Maison Bleue, donc, où il y a plusieurs professionnels qui travaillent ensemble au service de la communauté immigrante. On a retrouvé l'entrevue de Nawal. Alors, elle était partie, on ne sait pas où, mais on l'a attrapée au vol. Alors, on vous laisse entendre la fin de l'entrevue et on vous revient. Bon, les deux suivis, non, parce que quand j'étais avec la sage-femme, il n'y avait vraiment pas de jugement. Je me sentais vraiment à l'aise. Je me sentais avec quelqu'un qui me comprend. J'étais pas jugée selon mes origines, non. Mais elle a compris mes choix, puis elle a respecté mes choix, puis elle était toujours présente. Mais quand j'étais confrontée au système médical, quand je dis médical, ça veut dire au médecin, entre parenthèses, au gynécologue, ça vraiment, j'ai ressenti que je suis différente parce que elle m'a fait sentir que je suis différente, que ce que je fais, ça se fait pas. Quand j'ai refusé des analyses, c'était pour lui inacceptable. Je viens d'un monde en voie de développement, je dois respecter ce que lui me dise, au fond, c'est ça. Donc là, j'ai senti cette différence, mais avec la sage-femme, non. Et puis sa présence avec moi tout au long du travail, ça m'a beaucoup aidée, puis ça a atténué un petit peu l'absence, ce sentiment de l'absence de la mère. Ouais. Si tu avais quelque chose à dire par rapport au système de santé au Québec, par rapport à celui au Maroc, qu'est-ce que tu pourrais dire? Des choses à critiquer? Y a-t-il des choses à améliorer? Je vais commencer par le positif. Je vais dire que Ce que j'ai vécu, c'était pas vraiment toujours négatif. Avec la sage-femme, c'est extraordinaire. Je veux dire, il faut encourager cette profession. Il faut laisser la liberté aux femmes de choisir. Puis, cette profession, elle respecte la grossesse, l'accouchement et le choix des femmes. Ça, c'est vraiment c'est une profession à encourager à fond. Puis, je veux dire, je veux passer un petit peu en négatif. Je veux dire, aux médecins, il ne faut pas juger les femmes selon ses origines, parce que malgré les origines, elles ont des sentiments. Elles sentent si un mot se dit qui blesse, elles blessent. Donc, sont pas vraiment différentes, ce sont des êtres humains malgré tout. S'ils ont un choix à faire, s'ils ont choisi quelque chose, c'est parce qu'ils se sentent que c'est ce qui va le mieux pour elles. Donc c'est ça. Mais en général, la prise en charge, c'était extraordinaire. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à critiquer. Parce que j'étais enfant, j'étais vraiment suivie tout au long de ma grossesse par une sage-femme, et ça, c'est un point positif pour moi. Mmh. Donc, c'est ça. Mmh. Au niveau du postpartum, en tant que femme immigrante, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles pour toi ici? Ben oui, en postpartum, c'est vraiment ça, c'est autre chose, parce que le postpartum, chez nous, c'est toute la famille. C'est la fête, c'est la joie, c'est les yo-yo, c'est... Mais ça, je ne l'ai pas eu. Ben, imagine, en rentrant chez moi à la maison, là, parce que à la naissance d'un bébé, il y a normalement trois yo-yo, là, c'est essentiel. Ben, je l'ai fait moi-même, c'était vraiment difficile. Mmh. Mais ça signifie quoi, ces yo-yo-là? Ça signifie la bienvenue à cette personne. Ok. Et puis, ça, je ne l'ai pas eu. Mm. Donc, ouais. Ça a été difficile. C'est... Mm. Puis, comme tu as dit au début, c'est une adaptation. J'ai besoin, puis mon bébé, il a besoin de la présence... la présence de toute la famille, donc ça, je l'ai pas eu. Je l'ai pas senti qu'il y avait d'autres personnes, à part mes amis qui étaient là. Ça, c'est une chance. Je l'ai pas senti vraiment cette joie qui a... Ça se passe comment au Maroc quand la femme accouche? Ça, c'est... La mère est là, puis... C'est pas seulement juste la mère, c'est toute la famille. Okay. Puis la fête. Mm-hmm. C'est vraiment la fête. Mm. Donc, si je peux dire quelque chose, c'est tout le monde qui est fête l'arrivée de... du nouveau-né, donc ça, je ne l'ai pas eu. Mm-hmm. Je suis rentrée chez moi dans mon appartement en silence avec mon conjoint. C'est juste ça. Mm-hmm. Mm-hmm. C'était plus de solitude. Oui, puis il y a beaucoup de rituels qui se font après, donc à trois jours, c'est le jour où toute la famille se rassemble pour mailloter le bébé. Chez nous, c'est essentiel, le troisième jour. Là, c'est vraiment, comme je dis, c'est des rituels. Mm-hmm. Puis ils préparent un grand repas pour la femme après l'accouchement. C'est le repas de la famille. Puis oui, j'ai pas vu que ça. Puis ça fait quelque chose. Mm. On peut pas vivre ça, mais bon. Mm. Je pense que tu vas aller bientôt au Maroc. Revoir ta famille, présenter ton fils. Est-ce que ça va venir faire un petit baume à ce que tu n'as pas vécu après ton accouchement? Ben oui, Oui, ben, je crois même qu'on va fêter ça en Maroc. Mm-hmm. Est-ce que les rituels, ça se refait? Oui, on peut les refaire. Oui. Puis il y a autre chose que j'ai laissé, et j'aimerais bien le faire en Maroc, c'est la circoncision. Mm-hmm. Donc, si j'ai pas vécu vraiment ça, parce que chez nous, la plupart du temps, juste après l'accouchement, on fait la circoncision du bébé. Mais là, ça aussi, je l'ai laissé pour le vivre au Maroc avec la famille. Puis on va refaire tous les rituels qu'on n'a pas fait à ce moment-là. Mmh. Donc, ça va être la fête pour Youssef. Oui. Bon, ben écoute, je te souhaite un très beau voyage au Maroc. J'espère que tu vas pouvoir bien profiter de tout le monde. Puis tu peux être fière de présenter ton beau Youssef à toute ta famille. Je te remercie beaucoup, Nawal. C'est un témoignage très touchant. Merci beaucoup. Alors, je vous avais dit que c'était un beau témoignage. Hein? Merci encore, Nawal, et à Karine d'avoir fait l'entrevue. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que toutes nos émissions se retrouvent en balado-diffusion. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook et connaître ensemble. On les met en ligne, donc vous pouvez accéder aux liens pour les entendre. Merci beaucoup à Karine Bertrand, Maud Côté à la réalisation, Bronwyn Agnew à la technique et Nawal à la Zouer, notre belle maman qui nous a témoigné, et Rocio Vargas pour son entrevue. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Nous allons nous quitter en musique sur Ferenko Yefe de Momo Wandel Souma de l'album In the Heart of the Moon. Alors, vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1. Sur les ondes de C'est Fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles.